288e chapitre. Vision fugitive. On se remit en route. L'aéro, poussé par un courant favorable, avançait à vive allure. On aperçut bientôt les pics sombres des montagnes rocheuses. « Élevons-nous !» commanda M. Voirin. « Il faut que nous atteignions au moins 2 500 mètres d'altitude !» Grondard mit l'appareil en montée. Les aviateurs se sentirent tout d'abord un peu incommodés par cette ascension un peu brusque, mais ils finirent par s'habituer à la raréfaction de l'air. À 500 mètres plus haut, ils eussent commencé à ressentir les premiers symptômes de l'asphyxie. Fort heureusement, il ne fut pas nécessaire de s'élever davantage, car le passage choisi par l'ingénieur permettait d'éviter les hauts sommets. Francis et Fabien, penchés sur le bastingage, observaient le triste paysage qui s'étendait au-dessous d'eux. Partout, c'étaient des rocs bruns, des pics aux pointes menaçantes ou des ravins profonds qui formaient çà et là de grands trous noirs. Francis songeait, Fabien aussi, et tous deux avaient la même préoccupation. Ils se demandaient ce qu'était devenu Steiner. Le misérable les précédait-il ou marchait-il derrière eux? Tout à coup, ils aperçurent tous deux très loin sur la droite un petit point noir qui semblait suivre la même route qu'eux. Ils se regardèrent et Fabien prit immédiatement sa jumelle. Après avoir regardé quelques instants, il s'écria « Parbleu, ce sont eux !» Monsieur Voirin avait entendu. Il regarda à son tour et déclara « Oui, ce sont bien nos ennemis, mais... » Quel chemin prennent-ils donc? Dans les parages où ils se trouvent, ils vont rencontrer des pics très élevés. Il faudra qu'ils atteignent au moins l'altitude de 3 000 à 3 500 mètres. C'est à n'y rien comprendre. Ou Steiner est devenu fou, ou il médite encore quelque chose. Monsieur Voirin avait raison. Steiner avait son but. D'ailleurs, le misérable ne laissait rien au hasard. Il savait toujours ce qu'il faisait. Lui aussi avait aperçu l'aéro-français et il profitait d'un courant aérien pour le gagner de vitesse et le retrouver au bon endroit. « Ces gens, dit M. Voirin, veulent tout simplement arriver avant nous au défilé de la montagne vers lequel nous nous dirigeons. »« Dans quel but ? » demanda Fabien. « Je l'ignore. Il ne serait peut-être pas inutile de se tenir sur ses gardes. » « Je vais prendre mon Winchester, et si les gredins arrivent à notre portée, je vous garantis que je ne les raterai pas. » Quelques minutes se passèrent. « Tiens, c'est curieux, » fit le Parisien. « Les voici qui disparaissent là-bas derrière ce grand rocher. Il faut croire qu'ils ont trouvé un passage. En tout cas, ils sont maintenant en avance sur nous. Voulez-vous parier qu'ils vont faire brusquement demi-tour et qu'ils vont revenir à notre rencontre en nous dominant ? Peut-être vont-ils encore essayer le coup de l'autre jour et vont-ils nous jeter des blocs de plomb. Cette fois, je vous préviens que je ne me laisse pas faire. À ça, non, par exemple. Je suis décidé à me défendre. Vous ferez ce que vous voudrez, Fabien. Je vous laisse libre. Ah, merci, patron, s'écria le Parisien. Voilà une bonne parole. Du moment que vous me laissez libre, vous allez voir comment je vais vous débarrasser de ces gredins. L'aéro-allemand ne reparut point, contrairement à ce qu'espéraient M. Voirin et ses compagnons. On dépassa les montagnes rocheuses, on retrouva les plaines immenses qui les avoisinent, mais de Steiner, point. « Ça, c'est trop fort, par exemple !» s'écria Fabien. « Il y a encore quelques mystères là-dessous. Vous allez voir que ces gaillards-là nous réservent une surprise. »« Peut-être, » fit M. Voirin. Ils ont sur nous une avance assez considérable, et ils en profitent. Leur but est peut-être d'atteindre New York avant nous. Non, fit le Parisien en secouant la tête. Ils savent bien que cela ne leur servirait à rien. Ils comprennent parfaitement que tant que nous serons vivants, la partie est perdue pour eux. Ce qu'ils cherchent, c'est nous anéantir avec notre appareil pour avoir le droit de se présenter en France sans craindre de se voir disqualifié. Leur but est bien visible, allez, et je l'ai parfaitement deviné. Au point où en sont nos ennemis, ils ne reculeront devant rien. Un crime, deux crimes, trois crimes, est-ce que cela compte pour Steiner? Je gagerais que les bandits doivent nous attendre dans quelque endroit où ils sont sûrs de nous exterminer. Mais halte là, je ne lâche plus mon Winchester et j'aurai toujours 7 balles à leur disposition. La plaine, au lieu d'être aride et nue, était maintenant cultivée. Partout, c'étaient des terres soigneusement labourées. Des hommes apparaissaient çà et là. Sur les routes lointaines, on apercevait des automobiles, tout au plus grosses comme des cigales, qui fuyaient avec rapidité. « Nous approchons sûrement d'une ville, » dit Fabien. « Oui, » répondit l'ingénieur, « nous approchons de Warden, une cité industrielle qui se trouve à quelques milles d'ici et où nous allons atterrir, car je m'aperçois que si nous avons encore de l'essence, nous manquons d'huile. » Bientôt notre provision sera épuisée et notre moteur grippera. Il y a encore un bidon sous le capot, dit Francis. Cela est insuffisant. À l'allure où nous marchons, nous sommes obligés de graisser beaucoup. D'ailleurs, il faut aussi que nous achetions quelques provisions de bouche. Ici, nous ne sommes pas en Europe. Avant de rencontrer une ville, il nous faudra parcourir nombre de kilomètres.